le dédicace à toutes les meufs de mon passé qui m'ont laissé comme seule trace d'avoir un cœur tout dévasté. Maintenant que j'ai reconstruit, je n'attends plus que la prochaine, en espérant qu'elle soit moins chiante, en espérant qu'elle soit moins chienne. Moi, mon rêve le plus fou serait de changer le système et avoir assez de sous pour pouvoir faire tout ce que j'aime. Ne rien branler du tout, être chaque jour en week-end, mais un week-end non travaillé, sinon ça poserait problème. Quand je me regarde dans un miroir et que je contracte mes pectoraux, clin d'œil gauche, je rentre mon ventre, je me monte du doigt, je me trouve trop beau. Mais cette image est illusoire car je me vois sur des photos, et même sapé d'un costard, il prend une claque, mon ego. À toutes les filles que j'ai croisées et qui m'ont direct tapé dans l'œil, je regrette, je ne suis pas venu au moins pour flatter votre orgueil. La prochaine fois que ça m'arrive, je tenterai de prendre mes couilles à deux mains, et peut-être qu'au réveil, nous serons deux le lendemain. Je crois que celui qui aime cette chanson, dans le fond de son cœur, c'est un rebelle. Dans tous les cas, c'est pas un pion et il doit manger des quenelles. Il doit se sentir vraiment con d'écouter le CD de Trunel. Non, je déconne, y a pas de honte, cette musique est exceptionnelle.